Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en paix? Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame juu ya usomi wa neno. Ouvrons notre Bible. Tufungule ma Biblia yetu. Dans Daniel au chapitre 9. Mu Daniel sura yake ya kenda. Dans son verset 27. Mu mstari ya makumi mbili na saba. Dimanche, siku ya Juma, moi-même j'ai remarqué que l'église était très calme. Mimi mwenyewe niliona kusema kanisa ilikuwa kimya kabisa. Et nous avons parlé plus ou moins 2h30. Na tulisema kadiri masaa mbili na madakika makumi tatu. Alors, mzee m'a dit que beaucoup de gens n'avaient pas bien compris. Pale sasa mzee aliniambia kusema batu ba mingi ba kuelewa mzuri. Le secret de cet enseignement, il faut lire. Siri ya hii mafundisho inapasha kuanza kusoma. Lorsque les explications sont données, wakati mafasirio inaletewa, ces explications-là que nous donnons ne viennent pas de nos têtes. Hii mafasirio yenye tukunaleta itoke mubichwa bietu. Ces explications-là sont basées sur un passage biblique. Hii mafasirio ni yenye kuya na misingi mu miandiko. C'est pourquoi nous vous donnons des explications. Ndio kwa maana tunamletea mafasirio. Et nous vous donnons le verset qui est attaché à ces explications que nous avons données. Na tunamikaburia ma verset yenye kuambatana na hii mafasirio tuko na mikaburia. Et il faut être attentif. Na mnapasha kuya basikilivu. Si vous avez les esprits ailleurs, vous ne comprendrez rien. Kama maro yenu iko fashi ingine, amutashikia kintu. Ce n'est pas l'évangile que nous apportons. Iye aina enjili ambao tuko na miletea. Ça, c'est un enseignement prophétique. Iye ni mafundisho ya unabi. Dès le début, je vous avais dit. Tangia mwanzo miri mionesha. Que si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous ne comprendrez pas. Kusema kama Roho Mtakatifu haimisaidia mtasikia kintu. Je vous avais dit que la parole prophétique n'est pas aisée à comprendre. Nilimeonesha kusema neno ya unabii haina bwepesi kuelewa. Il faut être un élu pour comprendre cela. Unapasha ukuye mteule juu upate kuelewa ile. C'est pourquoi je suis dans l'obligation aujourd'hui de faire encore une récapitulation sur toutes les choses que nous avons dites dimanche. Ndio kwa maana mimi lazimishwa tena kurudilia mbiote bile ambao tulisema mjuma. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kumibariki. Notre Père céleste. Baba yetu wa kumbingu. Au nom de Jésus Christ. Mungina ya Yesu Kristu. Dans toute humilité de nos cœurs. Na unyenyekevu yote ya mioyo yetu. Nous ne savons rien. Hatujue kintu. Nous ne comprenons rien. Na atuelewe kintu. Et nous n'avons rien. Na atuna na kintu. À condition que le Saint-Esprit, ni mpaka tu Roho Mtakatifu, qui a écrit la Bible, ule ambaye aliandika Biblia, puisse venir nous révéler toutes ces choses. Apate kuya kutufunulia hivi vitu vyote. Donne-moi des termes très simples. Onikaburiye misemo ya bwepesi. Pour que ton peuple soit édifié. Juu taifa yako ipate kujengwa. Et comprenne les choses qui nous concernent. Na yelewe bintu binye kutuangalia. Béni soit ton Saint-Nom. Obarikiwe njina yako. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tunyanywe pali pajun dans Jésus-Christ. Envoie l'Esprit de la révélation ce soir. Tuma roya ufunuo mangaribi ya leo. Pour que ton peuple soit édifié. Juu taifa yako ipate kujengwa. Nous allons lire une portion de la parole. Tutasoma kipande cha neno. Mais dans laquelle est caché beaucoup de choses. Mule ambao mnafichwa vitu mingi. Mais dans ces derniers a de l'église. Lakini mwiki zazi kia mwisho ya kanisa. Tu nous a envoyé un prophète. Ulitutumia nabii. Tu nous a envoyé le Saint-Esprit. Ulitutumia Roho Mtakatifu. Pour nous révéler tout ce qui était caché dans les pages de la Bible. Tu yako tufunulia biote bilikuwa bine kufichwa mu Biblia. Merci Seigneur. Sante Bwana. Viens, kuja, soit avec nous, kuja pamoja nasi, en toutes choses, bintu biote, au nom de Jésus-Christ. Mungine Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Daniel au chapitre 9. Daniel sura ya kenda. Verset 27. Makumi mbili na saba mstari. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanyaka agano mu ya nguvu na bantu ba mingi kadiri ya juma moja. Il dont on parle ici, ule beko nasemea hapa, c'est Rome. Ni Roma. Particulièrement l'antichrist. Mukipeke ule mupinga Kristu. Celui qui fera une solide alliance avec beaucoup de pays pour une semaine. Ni ye atafanyaka agano na mataifa ya mingi juu ya juma moja. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Na katikati ya ile juma atashimamisha sadaka na matoleo. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Ule mwaribifu atatendaka bitu bimoya bya makufuru kabisa. Jusqu'à ce que la ruine et tout ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Kufikia paka pale mwisho na biote bile bilipangiwa juu yake bipate kumwangukia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomea neno yake. Nous vous avons dit ceci dimanche. Tulimionesha hivi siku ya juma. Quand l'épouse de Jésus-Christ est enlevée à la fin de cet âge de la Odyssée, wakati bibi wa harusi ananyakuliwa mwisho ya hiki kizazi cha Laodikia, premièrement, cha kwanza, pour ceux qui écrivent, kwa bale beko naandika, mzee m'a demandé qu'on puisse écrire ça ici. Mzee alinilomba tupate kuandika ile hapa. Mais c'est beaucoup, on ne saura pas le faire. Lakini ni bia mingi hatuweza kufanya. Si vous êtes d'accord avec ça, kama munaitikia hayo, on va vous faire des syllabus dans lesquels tout sera un peu détaillé encore. Tutamifanishia makartasi mule bitu biote batabiweka amo. Quand l'église des nations est enlevée, wakati kanisa ya mataifa inanyakuliwa, numéro 1, qui a kwanza, l'antichrist, mupinga Kristu, qui est le pape, mwenye kuwa papa, entame les négociations sur la statue de la ville Jérusalem. Ananzisha masikilizano juu ya Yerusalemu. Il commence à négocier. Anaanza kukupatanisha. Avec plusieurs pays. Na mainchi mingi. Sur la statue de la ville de Jérusalem. Kwa mambo yenye kuangalia ile muji ya Yerusalema. Entre Israël. Katikati ya Israël. Entre l'organisation de la libération de la Palestine, katikati ya matengenezo ya uhuru ya Palestine, qui est abrégé OLP, ile banasema kwa kifupi OLP, et avec tous les pays arabes qui sont voisins d'Israël. Na ma inchi yote ya Kiarabu benye kuya ba voisin ya Israël. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa inanifuata? Ça c'est la première des choses. Ini kitu kia kwanza? Que l'antichrist fait. Kile ule mupinga Kristu eko nafanya. Il va initier les négociations pour que les trois religions monothéistes, ataanzisha ile masikilizano juu madini yote ya kuabudu Mungu moya, et droit sur la ville de Jérusalem, ikuye na alali yulu ya muji ya Jérusalem. Parce que les faux chrétiens, juu ba Kristu ba bongo, les arabes, ba arabu, ainsi qu'Israël avec le judaïsme, na Israël et pas moi na kiyuda, tous se réclament bote beko na sema être enfants d'Abraham, sema ni batoto ya Ibrahim, et qu'ils ont droit à la cité, à la ville de Jérusalem, na bo beko na alali mu ile muji ya Jérusalem. Nous avons déjà dit que tout cela est faux. Ce sont seulement des prétentions. Ni makujiwazia tu. Et la ville de Jérusalem, mudi ya Jerusalem, a toujours été, inekala kila mara, elle est, naiko, et elle sera même dans l'éternité, na itakuya taku milele, la capitale de d'Israël. Mudi mkubwa wa Israël. C'est ce que nous vous avons dit. Ndio kile tulimeonesha. Deuxièmement, après ces négociations, kiapili kisha ile masikilizano, l'antichrist fera une alliance d'une semaine avec plusieurs pays. Mupinga Kristu atafanya agano ya juma mujima na mainchi ya mingi, que nous avons cité sur ile tulisema pale yulu, Israël, Israël, Organisation de la libération de la Palestine, matengenezo ya uhuru ya Palestine, et tous les pays arabes voisins de l'État d'Israël. Na mainchi yote ya baarabu benye kwa ba voisin ya Israël. Troisièmement, kia tatu, après que l'alliance ou le traité de paix soit signé entre tous ces négociateurs, kisha ile mapatano na kuweka masaini na bale batu bote, Israël aura l'autorisation de rebâtir le temple d'adoration à Jérusalem. Israël atapata sasa ruhusa yeye kuyengulula ekalu ya Yerusalema, pour que ce dernier adore à la manière de l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse. Juu Israël anze kuabudu munamna ya agano la kale kufuatana na sheria ya Musa. J'avais beaucoup insisté ici en disant, iliweka mkazo sana hapa mkusema, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'alliance avec ces pays arabes, wakati yote hakutakuwa mapatano kati ya baba inchi ya baarabu na Vatican, Israël ne peut jamais et alors jamais recevoir l'autorisation de rebâtir le temple à Jérusalem. Israël hasitapata kamwe ruhusa yeye kujengulula ile ekalu ya Jerusalem. Et ce temple qui sera reconstruit, na hii ekalu itayengululwa, après les négociations, kisha ile masikilizano, avec tous ces gens que nous avons cités, na aba bantu bote tunatokea mkusema, et le troisième, na kia tatu, et le troisième, ni atatu, le premier, kia kwanza, a été bâti par Salomon, ili jengeraka na Salomon, le deuxième, ya pili, a été bâti sous la conduite ilijengwaka kupitia uongozi de Zorobabel et de Josué. Ya Zorobabel na Josué. Et le troisième temple na ekalo ya tatu sera rebâti itayongululwa après l'enlèvement de l'épouse. Kisha kunyakuliwa kwa bibi wa harusi. Après qu'Israël ait reçu l'autorisation de rebâtir le temple, kisha Israël kupata ruhusa ya kuyengulula ikalu yake, en même temps, mwakati moya moya, les deux prophètes d'Apocalypse 11, banabii bawili ba Ufunuo 11, Moïse et Élie, Musa na Elia, apparaîtront en Israël, bataonekana ku Israël, pour exercer leur ministère, juu ya kutumikisha huduma yabo, afin d'appeler les 144,000, juu bapate kuita ile 144,000, et ces 144,000, na ile 144,000, sont les élus, ni bateule, parmi les Juifs, katikati ya Bayuda. En même temps, mwakati moya moya, Élie et Moïse apparaissent. Élie na Musa bataonekana pour exercer le ministère en faveur d'Israël. Juu ya kutumikisha huduma yabo juu ya Israël. Afin d'appeler les 144,000. Juu wapate kuita 144,000. Et pour leur seulement. Na juu ya kuwekewa kwa kwa muri. Pendant 3 ans et demi. Mumiaka tatu na kipande. Élie et Moïse, Elia na Musa, vont exercer leur ministère batatumikisha ka huduma yabo pendant 3 ans et demi, kadiri ya miaka tatu na kipande. À la fin de leur ministère, kumwisho ya huduma yabo, la bête qui sort de l'abîme, qui sort de l'abîme, nyama ule mwenye kutoka munjimu, le tuera. Atabawaka. Quand Moïse et Élie auront terminé leur ministère, wakati Musa na Elia bataisha kazi yabo ya kubiri, pendant 3 ans et demi en faveur d'Israël, mwile miaka tatu na kipande juu ya Israël, la bête qui monte de l'abîme va le tuer. Nyama huyu mwenye kutoka munjimu atabaua. L'église est avec moi. Kanisa iko na mimi pamoja. Maintenant, quand Élie, sasa wakati Elia et Moïse na Musa, à la fin de leur ministère, kumwisho huduma yabo, sera tué, batauawa, par la bête qui sort de l'abîme. Na unyama mwenye kutoka munjimu. Qu'est-ce qui va arriver? Nini sasa itafika? Nous sommes toujours dans les points 5. Tukingali paka munukta ya 5. Le point 5, nukta ya 5, parle inasemea de la fin du ministère ya mwisho ya kazi ya huduma de deux prophètes ya banabi mbili. Et à la fin de leur ministère, na kumwisha huduma yabo, ils sont tués, banauawa pale. Maintenant, après qu'ils soient tués, qu'est-ce qui va arriver? Sasa kisha bo kuuawa, ni nini ile takuya kisha? Ah, kya kwanza, leur corps sera exposé à Jérusalem. Mili yabo itatandikwa mu Yerusalema. Qui est appelé kuitwa Sodome et Égypte. Yenye kuitwa Sodoma Égypte. Pendant 3 jours et demi. Mumashiku tatu na kipande. Quand Élie et Moïse, à la fin de leur ministère, sont tués par la bête, wakati Elia na Musa mwisho ya huduma yabo batauawa na ule nyama, premièrement, ils seront exposés, leur corps sera exposé à Jérusalem. Kya kwanza mili yabo bataitandika mu Yerusalema, qu'on appelle Sodome et Égypte. Ile beko naita Sodoma na Égypte. Pendant 3 jours et demi. Mumashiku tatu na kipande. Elerko na mili yabo sera televise sur toute la terre. Batayonesha ulimwengu mujima. tous les habitants de la terre verront les corps de Moïse et d'Élie exposés pendant 3 jours et demi à Jérusalem. Bataonaka mili ya Elia na Musa yenye kutandikwa mumuji ya Yerusalema. Et pendant cette période-là, mwile wakati ile, tout le monde, tous les habitants de la terre, bakaji bote ba dunia, auront leurs yeux braqués sur Jérusalem à travers l'écran de télévision. Macho yabo itakuwa yenye kuangalia ku Yerusalema kupitia ma televisheni yabo. Et deuxièmement, na kapili, toujours dans le cinquième point, à la fin de leur ministère, mpaka munukta ya tano kumwisho ya huduma yabo, les habitants de toute la terre se réjouiront de leur mort. Bakaji bote bapa dunia batafurahiwaka lufu ya bale banabi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que pendant l'exercice de leur ministère, juu wakati ya kutumika kwa huduma yabo, ils prophétisaient des malheurs sur toute la terre. Barianza kutabiri maole yuli ya ulimwengu mzima. Quiconque voudrait le faire le mal, il pouvait demander de la malédiction sur lui. Yoyote yule anza kutafuta kubafanisha kitu kibaya bangeweza, barianza kulomba ako laana juu yake. Si c'est un pays, kama ni nchi, il pouvait demander que le feu descende et le consume. Baliweza kulomba moto ishuke na ipate kuwateketeza. Et tous les habitants de la terre, na bakaji bote bapa dunia, pendant l'exercice de leur ministère, wakati ya huduma yabo, étaient dans le tremblement. Balikuwa katika kutetemeka. C'est pourquoi vous m'avez entendu dimanche, ndio kwa maana mnisikia mujuma, que même l'antichrist ne pouvait rien faire parce que ces deux prophètes agissaient sous la puissance divine. Ils avaient toute autorité de Dieu en eux. Ce qu'ils disaient, c'est ce qui s'accomplissait. Un pays qui s'élevait, un homme qui s'élevait, il prophétisait des malheurs. C'est ainsi que lorsqu'ils sont tués par la bête, ils meurent, leur corps est exposé, tous les habitants de la terre disent, maintenant nous aurons la paix, parce que ceux qui frappaient la terre des malheurs, ne sont plus. Jubale balanza kupiga maole mudunia, bana ko tena. Et ils vont s'envoyer des cadeaux. Na batatumiana mazawadi. Troisièmement, la date. Après les 3 jours et demi, kisha ile mashiku tatu na kipande, un esprit de vie, romo ya bujima, entrera en eux. Itaingia ndani yabo. Et ils ressusciteront. Na batafufuka. Après la résurrection, quatrièmement, kisha bo kufufuka kiaine, ils seront enlevés au ciel. Batanyakuliwa kwenda kumbingu. Dans un grand tremblement, kati ya mutetemeko mkubwa, qui tuera 7000 personnes. Ile ambayo itaua bantu 7000. Les gens seront très effrayés. Bantu batakuwa katika boka mkubwa. Ils sont nés pour accomplir un ministère de la part du Seigneur en faveur d'Israël. Barizarika juu ya kutimiza kazi fulani juu ya Israël. À la fin de leur mandat, mwisho ya kazi yabo, ils sont tués par la bête. Banauawa kupitia nyama. Les habitants de la terre se réjouissent. Bakaji bapa dunia bo banafurai. Et leur corps est exposé à Jérusalem pendant 3 jours et demi. Na mili yabo banetandika ku Yerusalemu mashiku tatu na kipande. L'esprit de Dieu vient à eux et les ressuscite. Roho ya Mungu inakuya yulu yabo na inabafufula. Et enfin, na mwisho, ils sont enlevés, bananyakuliwa, et pendant qu'ils sont enlevés, na wakati bananyakuliwa, il y aura un grand tremblement, utakuwa mtetemeko mkubwa, qui tuera, ile itauaka, 7000 personnes, bantu elfu saba. Jusque là, ça va. Kufika paka pale, biko sawa. Ça, nous sommes dans le cinquième point qui touche la fin de du ministère d'Élie et de Moïse. Hapa tuko munukta ya tano yenye kuangaria mwisho ya kazi ya Elia na Musa. Maintenant, sixièmement. Sasa kia sita. Après la reconstruction du temple, kisha kuyengululwa kwa hekalu, les Juifs inviteront l'Antichrist, le pape, Wayuda watamwalika mpinga Kristo mwenye kwa papa, pour qu'il aille à Jérusalem, juu apate kwenda ku Yerusalema, visiter le temple achevé, ende akaone hekalu yenye kumalizika. Et il ne faut pas oublier, na mshisabu, que là nous sommes déjà à la fin du 3 ans et demi, du premier 3 ans et demi. Pale tuko ni kumwisho ya hii miaka tatu na kipande. Elie et Moïse ont déjà exercé leur ministère. Elia na Musa basha kutumika kazi yabo. Le temple est déjà reconstruit. Ekalu basha kuyengulula. Vous pouvez vous poser la question. Unaweza kujiuliza. Le temple là sera reconstruit pendant 3 ans et demi? Ile ekalu eti itayungululwa mu miaka tatu na kipande? Non. Hapana. Le temple ekalu, avec la technologie actuelle, na iki kujifunza kwa leo, peut être construit dans un mois, inaweza kuyungululwa dans deux mois, au miezi mbili, le temple sera achevé, inaweza kumalizika. Il n'y a pas un problème. Hakuna mambo. Et les Juifs vont commencer à adorer normalement, na Bayuda wataanza kuabudu sawa zamani. Et pendant ce temps de paix, na mwile wakati ya salama, Elie et Moïse continuent à exercer leur ministère, Elia na Musa banaendelea kutumika kazi yabo, pour appeler les 144,000. Juu ya kuita bale 144,000. Après la reconstruction, je reprends. Narudilia. Sixième point. Nukta ya sita. Après la reconstruction, kisha kuyengululwa du temple, kwa hekalu, là nous sommes au milieu de la semaine, ya juma. Les Juifs, Bayuda, par reconnaissance, juu ya shukrani, pour remercier le pape, juu ya kumushukuru le papa, qui les avait facilité dans les négociations, ule alibasaidia juu ya mapatano, à obtenir la paix, bapate kupata salama, pour qu'ils construisent le temple afin d'adorer, juu bapate kuyengulula hekalu bapate kuabudu. Ils inviteront batamwalikaka à venir visiter le temple à Jérusalem. Akuye aone ekalo ku Yerusalema. Maintenant, quand le pape arrive à Jérusalem, sasa wakati papa anafika ku Yerusalema, c'est là où il s'autoproclame Dieu. Ni kule sasa eko najitangaza kusema ye ni Mungu. Selon 2e Thessaloniciens chapitre 2, kufatana na Thessalonika wa pili sura yake ya pili, dans son verset 3 à 4, mu mstari yake ya 3 na ya 4, et quand l'antichrist le pape s'autoproclame Dieu, na wakati mpinga Kristo ule papa anajitangaza kuya Mungu, les Juifs, deuxièmement, kapili, les Juifs sont trompés, Bayuda banadanganyika, et ils acceptent ce faux messie, na banaitikia ule masia wa bongo. Suivez très bien. Unifuate mzuri. Maintenant nous sommes au milieu de la semaine. Hapa sasa tuko kati ya juma. Au milieu de la semaine, kati ya juma, les Juifs, Bayuda, invitent le pape, banamwalika papa, pour visiter le temple de Jérusalem. Jua kuyangalie ekalu ya Yerusalem. Et le pape accepte cette invitation. Na papa ye anaitikia ile wito. Et quand il entre dans le temple, na wakati anaingia mwekalu, il s'autoproclame Dieu. Ye anajitangaza sasa kuya Mungu. Et les Juifs, na Bayuda, sont séduits, banatongozwa, ils sont trompés, banalandiwa, et ils croient à ce faux messie. Na banaamini ule masia wa bongo. Qui vient de Rome. Ule anatokea ku Roma. Et qui vient de Vatican. Ule anatokea ku Vatican. Pour eux, pa bobo, la reconstruction était impossible. Kuyengulula akukupasha kuwezekana. La paix était impossible. Salama ikupasha kuwezekana. Na mwe Dieu les a aidés. Lakini Mungu anawasaidia. Et celui qui les avait aidés. Na ule alibasaidia. Quand ils s'autoproclament maintenant Dieu. Pale anajitangaza kusema yeye ni Mungu. Et ils croient cela. Na boba naamini hayo. C'est là où le problème commence. Ni pale mambo iko naanza. Ça, nous sommes au sixième point. Pale tuko panukta ya sita. Après la reconstruction du temple. Kisha kuyengulula kwa ikalu. Quand les Juifs invitent maintenant. Wakati Bayuda banamwalika sasa. Le pape pour visiter le temple achevé. Papa kuyangalia sasa ikalu ile inamalizika. C'est là quand pape entre dans le temple. Ni kule wakati papa anaingia mwikalu. Il s'autoproclame Dieu. Anajitangaza kuwa Mungu. Les Juifs sont trompés. Bayuda banadanganyika. Et ils croient au faux messie. Na banaamini masia wa bongo. Septièmement. Nukta ya saba. Quand Dieu au ciel. Wakati Mungu kumbingu. Voit que les Juifs sont trompés. Anaona kusema Bayuda banadanganyika. Et qu'ils ont cru à un faux messie. Na banaamini kwa masia wa bongo. Qu'est-ce que Dieu fait? Ni nini Mungu anafanya? Christ descend du ciel. Kristo anashuka toka mbingu. Et anéantit le faux messie. Na anamponda ule masia wa bongo. Qui est l'adversaire de Dieu? Mwenye kuya wa kukumbanisha Mungu. Qui s'était autoproclamé comme Dieu lui-même. Ule adanza kujitangaza kusema njoo yeye mwenye Mungu. Dieu ne pouvait pas supporter ça. Mungu ashikupata kuweza kuvumilia ile. Parce que l'antichrist n'était pas Dieu. Jo ule mpinga Kristo ashikukue Mungu. Maintenant quand il s'autoproclame. Sasa wakati anajitangaza sasa. Et que les enfants d'Abraham dans la chair. Na batoto Ibrahimu mwili na boba nadanganyika. Dieu n'accepte pas cela. Mungu ashitike ile. C'est ainsi que Christ descend. Ni mwile namna Kristo anashuka. Et anéantit le faux messie. Il maîtrise le faux messie. Na anamushusha, anamutosha uwezo ule masia wa bongo. Il est l'adversaire de Dieu. Ule mwenye kuwa wa kukumbanisha Mungu. C'est la première des choses qu'il fait. Ni kitu kya kwanza kile kunafanya. Quand il descend pour anéantir l'antichrist. Wakati eko nashuka juu ya kumtosha uwezo ule mpinga Kristo. Deuxièmement, ya pili. Ou B dans le point 7. Au kipande kya pili munukta ya saba. Christ se révèle aux 144,000 comme agneau. Kristo eko najifunua kubale 144,000 sawa mwana kondo. Quand Christ se révèle comme agneau aux 144,000, wakati Kristo yuko najifunua sawa mwana kondoo kule kuba 144,000, les 144,000, bale 144,000 réalisent qu'ils étaient trompés par le pape. Ile 144,000 banavumbula sasa kusema baridanganyika kupitia papa. Ce n'est pas lui le véritable messie qu'on attendait. Aina yenjo masia wa byakweru ule baranza kuchunga. Nous avons seulement été trompés à cause des négociations qu'il avait menées pour nous amener dans la paix. Après que les Juifs découvrent qu'ils ont cru à un faux messie, kisha bayuda, et qu'ils ont été trompés, kisha bayuda kuvumbula kusema bariamini masia wa bongo na baridanganyika, ils acceptent maintenant sasa, le vrai messie masia wa byakweli, venu du ciel wa kutokea kumbingu, avec les plaies dans ses mains. Na bilonda mu mikono yake. En d'autres termes, mukusema kwingine, Christ est reconnu anayurikana par ses frères kubanduku yake. Il voit un homme qui est descendu du ciel. Banona mtu anashuka toka kumbingu. Mais avec les plaies entre ses mains. Lakini na bilonda mumikono yake. voie. Cet homme qui est descendu du ciel, qui est plus puissant, mwenye kwa na uwezo kabisa, et qui a anéanti, na ule alimuponda, celui qui s'était autoproclamé, ule alianza kujitangaza, Dieu, kusema yeye ni Mungu, et il comprend, na bapale banaelewa, que celui qui vient de Dieu, kusema ule anatokea kumbingu, est plus puissant, eko wa uwezo sana, que celui qui vient de Rome, kupitia ule anatokea ku Roma. Après que les Juifs, les 144 000, aient reconnu le véritable Messie, banatambua Masiya wa Biakweri, ils se repentent de leur incrédulité. Banatubu mkutokuamini kwabo. Et c'est là qu'il y aura pleurs. Na ni mwile wakati kutakuwa sasa kilio. Pourquoi Dieu ils l'ont rejeté? Quand il était venu pour la première fois, je vous ai montré dimanche mujuma, dans Zacharie, mu Zakaria, ils vont lui demander, toi tu viens du ciel, mais d'où vient le plaie entre tes mains? Bilonda mu mikono binatokea wapi? Cicatrice ici. Les aïe où toi tu viens du ciel. Ulipatia wapi wanatokea kumbingu. C'est là où il leur dira. Ndio pala tabaombiaka. J'étais déjà venu pour la première fois. Nilikuja kwa mara ya kwanza. Mais vous m'avez pas reconnu. Lakini hamkunitambuaka. J'ai eu ces cicatrices. Nilipata hii bilonda. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Ni mu nyumba ya bale balianza kunipenda. Ils vont pleurer. Batariaka. Ils vont se repentir batatubwaka de leur incrédulité. Dieu a kutokuamini kwabo. Et Dieu na Mungu va les pardonner. Atabahurumia. Vous voyez? Unaona? Dieu ne sera pas en colère contre eux. Mungu hashitakuwa na kashirani juu yabo. Ils vont se lamenter pour dire bata, pourquoi avons-nous fait cela? Batanungunika na kusema jioni tulifanyaka vile. Et Christ leur répondra, na Christ comme Joseph, kawa Yusufu, il dit, anasema, Christ dira, Christ atasema, vous m'avez rejeté, muri nikatalaka, c'est pour votre bien, ilikuwa ni juu ya salama yenu, et pour le bien aussi des nations, na juu ya salama ya bate mataifa. Moi je vous ai aussi aveuglé, mimi nilimpofusha, pour que votre salut, juu wokovu yenu, aille les nations, yende kwa te mataifa, et vous m'avez aussi rejeté, na muri nikatalaka, c'est pour que je prenne position pour vous, ni, pour que je vous protège, ni juu nipate kumikinga, pendant cette période de tribulation, mui wakati ya mateso mkubwa. Ça se passe iko nafanika au milieu de la semaine mule mukatikati ya juma mule. Regardez dans vos syllabus que vous avez, mwangalie makaratasi yenu mko nayo. C'est au milieu de la semaine, ni katikati ya juma. Vous voyez, mnaona, lorsque Dieu voit que les Juifs sont trompés et qu'ils ont cru au faux messie, wakati Mungu anaona kusema Bayuda banadanganyika na banaamini Masiya wa Bongo, c'est à ce moment-là que Dieu descend, ni mwile wakati Mungu anashuka du ciel pour anéantir l'adversaire de Dieu, l'antichrist, anakuya juu ya kumuteketeza huyu mpinga Kristu mwenye kuwa kumkombanisha Kristu. Et quand il descend de cette manière, na wakati anashuka mwile namna, il se révèle aussi, anajifunua tena aux élus, aux 144 000, anajifunua tena kubate ule 144 000 comme un agneau, sawa mwana kondo. Quand on utilise le terme agneau dans la Bible, wakati banatumia msemo wa mwana kondo mu Biblia, comprenez que cela traite du salut, mwelewe kusema ile ni mambo kwa nangaria wokovu. Et quand Christ se révèle, na wakati Christ anajifunua, les 144 000 découvrent, bale 144 000 banavumbula, qu'ils étaient trompés par l'antichrist le pape, kusema badanganyika na mupinga Kristu papa. C'est à ce moment-là qu'ils acceptent le vrai messie, ni mwile wakati sasa banaitika masia wa kweli, celui qui est venu du ciel, ule alitokea kumbingu. Et après avoir cru, na kisha bo kuamini, à celui qui est descendu du ciel, ule anatokea kumbingu, les 144 000 se repentent de leur incrédulité et pleurent. Bale 144 000 banatubu juu ya kutokuamini kwabo na banaria. Et Dieu le pardonne. Na Mungu anabahurumia. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant. Sasa. Christ. Christu. Toujours dans la partie, dans le point 7. Paka mule munukta ya saba. Après qu'il s'est révélé comme agneau. Kisha kujifunua sawa mwana kondo. Il se révèle pour la seconde fois. Anajifunula tena mara ya pili. Aux Juifs incrédules. Kubayuda ba kutokuamini. Comme le lion de la tribu de Juda. Sawa simba wa kabila ya Yuda. Je pense que c'est là où beaucoup de gens ont eu de la confusion. Na wazia ni pale ba mingi ba dipata mvuruko. Il fait des choses. Eh, unafanya bitu biwili. D'un côté, ngambo moya, il se révèle aux élus, aux 144 000 pour leur salut. Ku ngambo moya anajifunua kubateule sawa wokovu yabo, juu ya muhuri yabo. Comme sawa, un agneau. Sawa mwana kondo. Mais à tous ces juifs. Kubale bayuda bengine bote. Qui n'ont pas cru au ministère des deux prophètes. Bala bakuamini kuima huduma ya banabi bawili. Qui sont restés incrédules. Bale barbakia bila kuamini. Christ se révèle à eux comme un lion de la tribu de Juda. Christ anajifunula kwabo sawa simba wa kabila ya Yuda. Vous voyez. Munaona. Il fait deux choses. Et on a fait biwili. D'un côté, moya, c'est un agneau. Ni mwana kondo. De l'autre côté, ingine, c'est un lion. Ni simba. Quand on appelle un lion, wakati banaita simba, attendez le jugement. Ni kuchunga hukumu. Notez bien maintenant. Mwandike sasa mzuri. C'est là où j'ai fait une parenthèse. Ni pale niliweka mkato. Pour parler de l'Apocalypse chapitre 10. Dieu a coutumé, Dieu a ouvert nos sur la cumi, dans lequel on traite de la descente de l'ange puissant. Mole tu qu'on a semé à Dieu et à kushuka comme malaika wa uwezo, qui est enveloppé du nuée et de l'arc-en-ciel. Mwenye kufini kwa na wingu na mwanza kongolo. Il descend. Eko na shuka. Il met un pied sur la mer. Un pied sur la terre. Anaweka mkulu moya mubali na mkulu moya kubulongo. Il crie. Et les sept tonnerres font entendre leur voix. Analalamika na mamingurumu saba inasikika sauti yayo. C'est ainsi que je dis ceci. Ni mwile namuna nisema hivi. Et vous devez noter cela. Na munapasha kuandika ile. Lorsque Christ. Wakati Kristu. Se révèle comme lion de la tribu de Juda. Aux Juifs incrédules. Anajifunua sawa simba wa kabila ya Yuda kubayuda ba kukosa kuamini. Qu'est-ce que vous, il faut retenir? Ni nini mnapasha kushika? C'est à ce moment-là premièrement ni mwile, que les sept tonnerres s'accomplissent. Ni mwile wakati kia kwanza mule ma mingurumu saba inatimilika. Quand Christ descend comme lion de la tribu de Juda. Wakati Christ anashuka sawa simba wa kabila ya Yuda. Premièrement, kia kwanza, les sept tonnerres, mamingurumu saba, inatimilika. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 10. Niko ni mufunuo sura ya kumi. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir. Ya pili kile munapasha kushika. Les sept tonnerres, mamingurumu saba, ont prononcé des paroles. Ilisema masauti. Que j'ai entendu de ses oreilles. Ile Yohana alishikiaka kumashikio yake. Et il voulait les écrire dans les livres. Na alipendaka yandike mu kitabu. Parce qu'il avait reçu la mission de Dieu. Dieu alipokeaka kazi kwa Mungu. D'écrire tout ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Dieu aye kuandika biote alianza kuona na bila anza kushikia. Il avait un ange du ciel descendant. Aliona malaika wa Bwana anashuka. Il a décrit. Alimuonesha kanisa. Il a vu cet ange là. Il a rougi. Aliona ule simba anashirika. No. Ananguruma. Ananguruma. Il a rougi. Ananguruma. Après avoir rougi. Kisha kunguruma. C'est à ce moment-là que les sept tonnerres on parlait. Ni mwile wakati mamingurumu saba ilisema. Et Jean a entendu ce que le sept tonnerres avait dit. Na Yohana alishikia ile mamingurumu saba ilisema. Il voulait écrire dans les livres ce que le sept tonnerres avait entendu. Avait parlé. Alipendaka kuandika mukitabu kile mamingurumu saba ilisema. C'est alors. Ni mwile wakati. Qu'une voix est venue du ciel. Sauti mwili toa kumbingu. Pour dire à Jean. Jia kumwonyesha Yohane. N'écris pas. Apana kuandika. Ce qu'on dit le sept tonnerres. Kile mamingurumu saba inasema. Scelle-le. Uiweke muri. Vous voyez, munaona, la voix n'a pas permis, sauti haikuruhusu, cette voix forte qui est venue du ciel, ile sauti ya nguvu ilitoka kumbingu, qui a rugi comme un lion, ile linguruma sans simba. Vous voyez, munaona. Et quand Jean voulait écrire, wakati wana alipenda kuandika, ce qu'il avait entendu, bila alishikiaka, on lui dit, bana mwambia, seul ce qu'on dit, laisse de tonner, weka muhuri bile mungu saba na sema, ne l'écris pas, na usiandike. C'est ainsi que nous enseignons, ni mwile namna tu unafundisha, que dans les pages de la Bible, sema katikati ya Biblia, les paroles que les sept tonnerres ont prononcé ne sont pas écrites. Misemo ile mamingurumu saba ilisema aina yenye kuandikwa. Parce que cela fut interdit à Jean de le faire. Ju ile ilimkataziwa Yohane apate kuandika. Et pour éclairer, nous disons ceci. Najua kwa tunasema hivi. Nous en tant que croyants de là de la Odyssée. Tisa ba minifu mukizazi kia Laodikia. Avec un prophète messager. Na nabi mujumbe. Qui devait révéler toute la Bible. Wewe alipata funua Biblia yote. Il a une mission. Eko na kazi. De révéler uniquement. Ya kufunua tu. Des choses qui sont écrites dans les pages de la Bible. Paka bintu benye kuandikiwa mu Biblia. Et frère Branham, Nanduku Branham, en tant que prophète biblique, sawa nabii wa kibiblia, ne pouvait pas aller au-delà de ce qui est écrit. Asikupasha kwenda kupita bila venye kuandikwa. Parce que la Bible elle-même dit, juu Biblia yenyewe nasema, ce qui est écrit, venye kuandikwa, c'est à nous, ni yetu. Mais ce qui est caché, lakini bien c'est pour Dieu, binabakia bia Mungu. Vous voyez, munaona. Muna pasha kuelewa hivi. Frère interprète, tu te vous serez à côté de l'interprète. Muna pasha kuelewa hivi. Vous devez savoir ceci. Jean chini ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Jean sous l'onction na mwenye kongozewa na Roho Mtakatifu, étant conduit par le Saint-Esprit, akuwezi kukatala ordre ila alipata kwa Mungu. Il ne pouvait pas refuser l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Yenye kumukataza ashandike ile masauti miungurumu saba ilisema mukitabu. L'interdisant de ne pas écrire ce qu'on dit les sept tonnerres. C'est pourquoi bile abiandikwe mu Biblia, ce qui n'est pas écrit dans la Bible, abiwezi kuya kishina ya mahubiri yetu, ne peut pas être sujet notre prédication, abiwezi kuya kishina ya imani yetu, ne peut pas être sujet notre imani yetu inayengwa, notre foi est fondée ya bile ambao biliandikwa, sur ce qui a été écrit et sur ce qui est prêché. L'église est avec moi. Nous avons ouvert cette parenthèse pour éclairer ce qui se passe au milieu quand Christ descend. Tulifungula mkato juu ya bila viko nafanyika katikati wakati Christ yuko nashuka. Ce n'est pas que Jean ne connaissait pas ce qu'avait dit. Aina kusema Yohana ashikuyua bile mingurumu saba ilisema. Il avait entendu, il connaissait ce que les sept tonnerres avaient dit. Arishikia na anayua bile mingurumu saba ilisemaka. Seulement il fut interdit de l'écrire. Lakini tu barimukataza yeye kuandika. Pourquoi Dieu a interdit à Jean d'écrire les paroles de sept tonnerres dans la Bible? Juu ya nini Mungu alimkataza Yohane apate kuandika ile mamisemo ya mingurumu saba mu Biblia? Premièrement, kia kwanza, nous donnons la réponse au pourquoi. Tuko naleta jibu ku ile juu ya nini? Parce que ni juu ce qu'avait dit les sept tonnerres, bile bisema mingurumu saba, ne concerne pas l'église des nations. Abiangarie kanisa ya watu wa mataifa. Deuxièmement, kia pili, le temps du salut des nations, wakati ya wokovu ya mataifa, dans les sept ans de l'église, mobizazi saba ya makanisa, les sept ans de l'église étaient déjà terminés. Bizazi saba ya makanisa bilikuwa bishakumalizika. L'église des nations ya mataifa a été enlevé au quatrième chapitre. Il y a été enlevé au quatrième chapitre. Et troisièmement, na kiatatu, Dieu a refusé qu'on écrive Mungu alikatala bashandike ces paroles prononcées par les sept tonnerres dans la Bible. Misemo ile maminguru saba ilisema mu Biblia. Parce que ces choses-là bintu concernent Israël. Binangaria paka Israël. Vous voyez que maintenant sasa, nous sommes au milieu. Tuko pakatikati. Dieu traite maintenant avec Israël. Mungu yuko natumika sasa paka na Israël. L'église n'est pas sur la terre. Kanisa haina tena pa dunia. Maintenant Dieu doit lui adresser des paroles comment? Sasa Mungu atamuonesha ile masauti juu ya nini? Dieu a déjà achevé. Mungu alishaumaliza. Le travail avec l'église des nations. Kazi na makanisa ya mataifa. Le déjà enlevé. Biblia rusha sasa unyakuliwa. C'est qu'on prononçait les sept tonnerres concerne les Juifs. Inaangaria paka bayuda. C'est vrai, frère. Ni bya kweli banduku yangu. C'est pourquoi. Njo kwa maana. Quand il vient ici au chapitre 10, wakati anakuja hapa msura ya 10, il a un livre ouvert. Eko na kitabu kenye kwa wazi. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails, peut-être ça va vous embrouiller. Sipende kuingia mwingine mama mambo juu inaweza mifuruka. Lorsque nous allons lire Daniel chapitre 12, wakati tunasoma Daniel sura 12, vous remarquerez mutaona que cet ange-là avait levé les deux mains. Alikuwa na mikono mbili. Mais regardez ici dans Apocalypse 10, sasa angalia Ufunuo 10, il lève la main droite. Ananyangula paka mkono ya 10. Vous voyez? Munaona? Là, en Apocalypse 12, ule mu Apocalypse 12, Ufunuo 12, et donc dans Daniel chapitre 12, Daniel 12, il n'avait pas de livre entre ses mains. Ah, je connais kitabu mikono yake. Le livre n'était pas encore ouvert. Kitabu kilikuwa kiafunuliwa. Dans le chapitre 5, msura ya 5 d'Apocalypse, ya Ufunuo. Vous voyez? Munaona? Ici, il lève la main droite. Hapa ananyangula mkono ya 10. Parce que dans l'autre main, il a les livres de la rédemption. Juu mwiki kitabu kingine iko na kitabu kia ukombozi. C'est bon, il n'y a pas de différence quand vous lisez les deux. Daniel 12, Daniel et 12, Apocalypse 10. Na Ufunuo 10. C'est ainsi que dimanche vous m'avez entendu dire. Regardez dans l'Apocalypse 5, Mwangari Mufunuo 5, le livre est scellé de 7 sceaux. Kitabu ni kwenye kwa mbili tano. Na sauti unasema, ni nani mwekustahili? De prendre le livre. Ya kubeba ile kitabu. De briser les sceaux. Na kuvunja mihuri. Mnaona? Il n'y avait personne. Akukwe mtu. Mais ici maintenant dans l'Apocalypse 10, sasa hapa Mufunuo 10, il est avec déjà un livre ouvert. Anakuya na kitabu kenye kwa wazi. Pourquoi le livre est ouvert? Yani ni kitabu kiko wazi. C'est parce que les mystères ont déjà été révélés. Inesha kufunuliwa. Dans le dernier âge de l'église de l'Odyssée. Mukizazi kia mwisho kia Laodikia. Au messager du septième ange de l'église. Wa kizazi kia saba. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi il gronde ici. Ndio kwa maana iko na nguruma hapa. Et ce qu'il dit concerne les Juifs. Na ile iko nasema inaangalia paka Bayuda. Et troisièmement, na kiatatu. Nous vous avons dit ceci dans cette remarque. Tulimeonesha hivi muhi kwa angalisho. Quand Christ descend ici dans l'Apocalypse 10. Wakati Kristo anashuka hapa Mufunuo 10. Comme l'ange puissant et qu'il jure, sawa malaika wa uwezo na eko na lapa, il dit qu'il n'y a plus de délai, anasema hakuna tena wakati, entre le temps qu'il jure, katikati ya wakati ile eko na hapa, et le millennium, na millennium, il ne reste que 3 ans et demi. Quand il arrive ici, il gère ici, il n'y a plus de délai. Avec le millénium qui va commencer ici, il ne reste que 3 ans et demi. C'est ce que Daniel dit, disons un peu cela. Parce que j'ai compris que si je lis beaucoup de versets, vous vous embrouillez. Juni ilielewa kusema kama mimi nasoma sana mko najivuruka. Daniel chapitre 12. Daniel verset 6 à 7. Mustari ya 6 na ya 7. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. Moya wabo akamwambia ule mtu mwenye kuvaa kitani. Qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Mwenye alikuwa acha kuikala yulu ya maya. Quand sera la fin de ces prodiges? Wakati gani itakuwa mwisho wa hii mambo? Et j'entendis l'homme vêtu de lin. Na nikasikia mtu mwenye kuvaa kile kitani. Qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve? Wewe alikuwa juu ya mto ya bahari. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Akalamu. Il n'avait rien dans ses mains. Akalamusha mkono yake ya kumi na ya kushoto. Ileva les deux de tes mains. Akanyangula mikono mbili. La main gauche, la main droite et la main gauche. Mkono wa kumi na wa kushoto. Il jira pas celui qui vit éternellement. Na akalapa kwa ule mwenye kuishi milele kusema. Ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps. Kusema itakuwa ni mwakati, yule wakati na kipande kya wakati. Et que toutes ces choses finiront. Na. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Na ibiti vyote vitamalizika wakati nguvu ya taifa takatifu itakuwa ishakuvunjika. Cette force sera brisée quand? Na hii nguvu itavunjika wakati gani? C'est dans Daniel chapitre 9 verset 27. Ni mu Daniel sura ya 9 mstari 17. Quand il brise l'alliance. Wakati wanavunja agano. Commence la guerre. Vita inaanza. Et quand il commence la guerre, vita, il va vaincre les Juifs. Patawina Bayuda. L'écriture elle est très claire. Anjiko kowazi. Il dit, c'est pendant un temps de temps et la moitié du temps qui signifie 3 ans et demi. Ni mwakati ile inaonesha kusema ni miaka 3 na kipande. Ici le livre n'était pas encore ouvert, il était fermé. Hapa kitabu kilikuwa kiakuwa wazi, kilikuwa kinye kufunga. Il n'avait pas le livre entre ses mains, c'est pourquoi il lève les deux mains en l'air. Ashikwe na kitabu mikono yake ndio kwa maana ananyangula mikono yake mbili yote mpepo. Vous voyez. Mnaona? Dans Apocalypse 10. Ufunuo sura ya 10. Chapitre 6. Et il n'ira pas celui qui vit au siècle des siècles. Na akalapa kupitia ule mwenye kuishi milele na milele. Qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve? La terre et ce qui s'y trouve. La mer et ce qui s'y trouve. Qui n'y aura plus de délai. Kusema hakuna tena wakati. Vous voyez. Munaona. Quand il jure ici. Wakati kuna lapa hapa. Il ne reste que 3 ans et demi. Kuna bakia tu miaka 3 na kipande. Du temps où l'ange puissant. Jure. Wakati malaika. Qui n'y a plus de délai. Jusqu'au millénium, kufikia na mwaka elfu moja, il ne reste que 3 ans et demi. Huko nabakia tu miaka 3 na kipande pale. Vous voyez. Munaona. Maintenant retournons à notre 8e point. Le 8e point dans le principal. Turudia sasa munukta ya munane. Au milieu de la semaine. Mule mukatikati ya juma. Ça c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Hii ni mukato tu kufungula. Huitième point, là, au milieu de la semaine. Nukta ya mnane paka pale katikati ya juma. Maintenant, quand l'antichrist voit. Sasa wakati mpinga Kristo anaona. Qu'il a été découvert. Kusema barisha kumuvumbula. Par Israël comme étant un faux messie. Kupitia Israël sawa mwenye kuya masia wa bongo. Et qu'il a été rejeté. Na Israël inamukatala. Maintenant, qu'est-ce que ce faux messie fait? Sasa ule masia wa bongo unafanya nini? Huitièmement, Kiamnane. Quand l'antichrist le pape, wakati mpinga Kristo huyu papa, voit qu'il a été maintenant dévoilé, anaona kusema banaisha kumuvumbula. Et Israël a connu que c'est un faux messie. Na pala anajulikana kusema ni masia wa bongo. Et qu'ils l'ont rejeté, ils ont cru au messie véritable qui vient du ciel. Na bana mkatala bana amini kwa masia wa biakwero lantokea kumbingo. Qu'est-ce qui va se passer? Nini tafanika? Kya kwanza. L'antichrist se met en colère. Mupinga Kristu anashirika. C'est comme quelqu'un. Ni sa muntu. Qui a pris, qui a trompé la femme d'autrui. Ule alilanda bibi wa benyewe. Mais quand la femme découvre que non, ce n'était pas mon mari, c'est quelqu'un d'autre. Sasa wakati, et qu'il retourne à son mari. Bibi anavumbula kusema na bwana angu, nikuwa mtu mwingine anajua. Mais monsieur là-bas se réjouit. Eti ule bwana atafurahi. Il va se mettre en colère parce qu'il aimait la femme d'autrui. Juu, atashirika juu alikuwa anapenda bibi wa benyewe. Pale banamuvumbula kuko Israel asemi ni wabongo na banamukatala. quand on l'a découvert par Israël qu'il est faux et on l'a renié. Non, tu ne parles pas. Les gens n'entendent pas. Restez là à côté. Quand je commence à parler en swahili, tu parles fortement. Parle mupika Christo papo. Lorsque l'antichrist, le pape, anaona ya kusema, il a dit Israël anamuvumbula sema ni messie wa bongo na anamukatala. Israël a découvert que c'est un faux messie et na il a refusé. Anamini Christ wa kweli wa kutoka kumbingu. Et qu'Israël a créé un véritable Christ qui est venu du ciel. Christ atafanya nini sasa? Qu'est-ce que Christ fera maintenant? Kintu kya kwanza? Premièrement. Mupika Christ l'antichrist akashirika. Il va se fâcher. Akamshirikia Israël. Il se fâchera contre Israël. Kisha kumshirikia Israël. Après s'être fâché contre Israël. Anavunja na agano. Il va briser cette alliance. Ile barifungaka ya juma moya. L'alliance qu'ils avaient fait d'une semaine. Au milieu de la semaine. Na pale anavunja agano mubishilani yake. Lorsqu'il va briser l'alliance sous sa colère. Mupika Christ. L'antichrist. Akanza sasa kuteswa bayuda. Il va commencer maintenant à. Jo pale ataua na ba 144 000. À souffrir les juifs et tuer les 144 000. Ça c'est le huitième point que vous devez retenir là au milieu. Hii ni nukta ya munane munapasha kushika pale pa katikati. Quand il est découvert, wakati banamvumbula, qu'il est faux, sema ni wa bongo, le faux Christ, o Christ wa bongo, l'antichrist, mupinga Kristu, se met en colère, anashirika. C'est là quand il se met en colère, ni pale anashirika. C'est là que Satan ni pale shetani vient s'incarner, anakuya kujiweka dans le pape, ndani ya papa. Et là il devient bête, na pale papa anakuwa sasa nyama. Et quand il devient bête, na pale anakuwa nyama, sous la colère, chini ya kasirani, il brise l'alliance qu'il avait conclue avec Israël et les autres nations pour une semaine. Anavunja sasa agano ile alifanyaka na Israeli na mataifa ingine kadiri ya juma mzima. Et quand il brise cette alliance au milieu de la semaine, na wakati anavunja ile agano kati ya juma, troisième chose, kitu kia tatu, il commence à persécuter les juifs et il tue les 144 000. Ananza kuteswa bayuda na kuwa bale 144 000. Vous voyez, mnaona, c'est ce qu'il fait. Ndio kile konafanya. Quand il est décelé, wakati banamuvumbula, il est confus, anapata haya, il est rejeté, banamukatala, il se met en colère, anashirika. Maintenant, il agit avec méchanceté contre Israël. Pale anaanza kutenda sasa na roho mbaya ngambo ya Israel. Maintenant, neuvièmement. Sasa nukta ya kenda. Dieu voyant les comportements méchants de l'antichrist envers les juifs. Mungu mwenye kuona kutenda kwa kubaya kwa huyu mpinga Kristo kungambo ya Bayuda. Et le meurtre qu'il fait sur Israël, et sur les 144 000. Na kuwa uwaji leko nafanya kubale 144 000. Dieu aussi fait. Mungu na yeko nafanya nini pale? Dieu aussi à son tour, hein? Mungu na yeko kuturu yake kia kwanza. Il se met en colère. Na yeye anashirika contre la bête. Kumkobaisha nyama. Il se met aussi en colère. Anashirikia tena contre le monde entier. Juu ya dunia mzima. Quand la bête se met en colère, wakati nyama sasa anashirika, brise l'alliance, anavunja agano, il commence à persécuter et tuer, anaanza kuteswa na kuwa bayuda, et tuer les 144 000, na kuwa 144 000. Maintenant là, pale sasa, la bête a toute autorité, nyama kwa uwezo, nyama anakuwa na uwezo pa ulimwengu mzima. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit. Dans cette première partie, il n'a pas toute l'autorité. Mais ici dans la deuxième partie, il a toute l'autorité. Et ici maintenant, il va vaincre tout le monde. Et Dieu aussi envoya le comportement méchant. De la bête, de l'antichrist, du pape. Kwa nyama kumpinga Kristo le pape. Juu ya Bayuda. Et il tue les 144,000. Na anaua 144,000. Mungu naye. Semé en colère. Naye Mungu anashirika. Contre la bête. Mukumkomanisha bête, nyama. Et contre toute la terre. Anashirikia tena ulimwengu mzima. Deuxièmement. Ya pili. Dieu déclenche Mungu anaanzisha sa colère kasirani yake en accomplissant mukutimiza les trompettes ma parapanda les coupes ma bikombe de sa colère ya kasirani yake pour le verser sur la terre juu ya kubimwanga pa dunia. Quand Dieu se met en colère, wakati Mungu anashirika, il déclenche maintenant, analamusha sasa, le déversement, anamwanga sasa, des coupes de sa colère, bikombe vya kasirani yake, sur la terre, pa dunia. Il sonne maintenant, anapiga sama parapanda, il y a des anges maintenant qui sonnent de la trompette, huko malaika biko napiga sama parapanda, pour annoncer le jugement, ya kutangaza hukumu, de la colère de Dieu sur la terre, ya kasirani ya Mungu pa dunia. C'est vrai. Et quand Dieu se met en colère, na wakati Mungu anashirika contre toute la terre, juu ya dunia mzima. Et quand il descend ici, na wakati anashuka hapa, le monde entier, ulimwengu mzima, entre dans la colère de Dieu. Inaingia mukasirani ya Mungu. Entre dans le temps de la colère de Dieu. Inaingia mwakati ya kasirani ya Mungu. Les trois ans et demi qui restent maintenant après que l'alliance soit brisée. Hii miaka tatu na kipande na bakia kisha agano kuvunjika. Dieu entre en colère. Mungu anaingia mukushirika. Vous voyez? Unaona? Et c'est le temps na ni wakati de la colère de Dieu. Ya kasirani ya Mungu. Et il se met en colère contre tout le monde. Na Mungu anashirikia bantu bote. C'est la bête qui s'est fâchée. Ni nyama ndio alishirika. Elle a trompé. Mbele alilanda. Elle s'est fâchée. Elle a commencé à persécuter les Juifs. Elle tue les 144,000. Dieu se met en colère contre toute la terre. Mungu anashirikia sasa dunia mzima. Il commence maintenant à déverser. Anasasa kumanga. Ah, des jugements. Maukumu. Et ça colle sur la terre. Na kasirani yake pa dunia. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce qu'à ce moment-là, juu mwile wakati ile, Dieu n'a rien à protéger sur la terre. Mungu ashitakuwa na kintu tena kya kukinga pa dunia. Tout homme, tout celui qui devait être sauvé, ule wote alipasha kuokolewa, a déjà été sauvé. Arisha kuokolewa. Il ne reste rien sur la terre. Akuta bakia kintu pa dunia. Hakuna hata mteule moya. Sur la terre. Pa dunia. Toute la terre. Ulimwengu mzima. Et seulement rempli. Itakuwa yenye kujaa. De méchants. Na batu babaya. Na bakutokuamini. Et vous verrez quand nous allons commencer à lire les coupes de demain et les trompettes. Na mutaona wakati tutaanza kusoma vile vikombo na kutenda kwabo. C'est ce que je vous avais lu au début là. Nilimsomea kule kumwanzo kule. Il y aura un temps wakati moya, où l'esprit de Dieu roho ya Mungu, sera ôté de la terre. Itatoshewa pa dunia. L'esprit de Dieu se trouve dans le croyant. Roho ya Mungu inapatikana kwa waaminifu. Maintenant les croyants sont partis. Sasa waaminifu barisha kwenda. Il n'y a rien. Akuna Dieu kintu. N'a rien à protéger. Mungu ashina na kiai kukinga. Alors rien, rien. Hakuna tena kintu. Il a déjà sauvé l'épouse. Arisha kuokola bibi wa harusi. Pendant les états de l'église. Kadiri ya bisali saba ya kanisa. Et à la fin de la Odyssée, il a déjà enlevé. Quand Dieu se met en colère ici, l'épouse est dans le ciel. Les appeler, suivez très bien. Les appeler. Dorment déjà dans la poussière. Ils attendent le dernier jugement. Ils ont la vie éternelle. Les vierges folles sont déjà tuées. Et ils dorment dans la poussière. Ils attendent la résurrection. Avant l'entrée au millénium. Les 144 000 sont déjà sauvés. Ils sont déjà scellés. Et ils sont déjà tués par la bête. Ils se trouvent dans la terre. En attendant. Dans la terre. En attendant. La résurrection. Là, avant l'entrée au millénium. Tout ce qui reste ici sur la terre. Il n'y a personne, même une seule personne qui peut être sauvée. Ce sont des méchants, des incrédules qui remplissent la terre. Maintenant Dieu doit déverser les coupes, doit sonner de la trompe de la colère pour purifier toute la terre avant qu'il vienne régner dans le millénium avec le croyant. Vous voyez, Mungu ana tena na kiaye kuchunga. Dieu n'a plus rien à attendre ou à garder. Bantu bote balamba batabakia mwile wakati mudunia ni paka bapagano. Tous ces gens qui vont rester sur la terre sont des païens, des méchants. Na washibu kwa mini. Et des incrédules. Ces des nations ont entendu le message de Christ dans, pendant cet âge de l'église. Ah, ma taïfa va risquer à mourir. Depuis Éphèse, jusqu'à l'Apocalypse, ils n'ont pas cru. Ceux d'Israël, ils ont entendu les deux prophètes. Les deux prophètes sont déjà tués et enlevés. Les 144 000 sont déjà enlevés. Et ils ont même manqué de croire à leur prophète. Et Dieu doit les châtier. La terre est remplie de la méchanceté. C'est pourquoi Dieu maintenant déverse sa colère sur la terre. Vous voyez, non. Il y a des choses ici que vous devez comprendre. Là au milieu, les Juifs invitent l'Antichrist. Quand l'Antichrist arrive à Jérusalem au temple, il se proclame Dieu. Les Juifs sont trompés et croient au faux Messie. Et Dieu ne pouvait pas supporter cela. Il descend du ciel. Il anéantit l'Antichrist. Les Juifs maintenant, Dieu se révèle maintenant aux Juifs. Et quand les 144 000 croyez au véritable Messie tout en rejetant les faux. Ils se répondent. Dieu les pardonne. Mungu anabarumia. Et na, quand Satan voit que naona, le pape l'Antichrist voit qu'il a été dévoilé. Wakati papa anaona kusema banamuyua, mais maintenant, sasa, il a été rejeté par les Juifs. Il se met en colère. Anashirika. Et quand il se met en colère, anashirika, il brise de l'alliance. Anavunja agano. Quand il brise de l'alliance, il commence la persécution. Anaanza kuteswa. Et les tueries. Na kuwana. Quand il commence à se comporter d'une manière bestiale, Dieu aussi Mungu naye se met en colère anashirika contre lui et contre tous les habitants de la terre. Anashimushirikia yeye na bakaji bote wa dunia. Et Dieu na Mungu déverse maintenant sa colère et ses jugements sur la terre. Na hukumu yake pa dunia. C'est ce qui se passe là au milieu. Ni ile kunafanyika mule mukatikati ya juma. C'est ainsi que nous avons dit. Ni mwile namna tulimeonesha. Si vous devez remarquer le comportement de Christ. Mwangalie kutenda kwa Kristo. Quand Christ est venu pour la première fois, wakati Christ alikuyaka lwa kwanza, pour l'église des nations, juu ya kanisa mataifa, il ne faisait pas peur. Asikuanzaka kuogopesha. Il est venu comme un simple serviteur. Alikuya tu sawa mtumishi. Sawa mwana kondoo. C'est ce que nous lisons. Ndio ile tuko nasoma. Dans Ésaïe 53. Isaïe 53. Kuanzia mstari wa kwanza. Il est venu dans la faiblesse. Alikuya tu mu katika udhaifu. Tout le monde pouvait toucher à sa barbe. Tout le monde pouvait l'insulter. Tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait, on pouvait le traiter n'importe comment. Il était un serviteur. Il était un agneau. Il ne faisait pas peur. Mais lorsqu'il descend là, pour Israël, au milieu de la semaine, Israël s'est converti. Israël anageuka. Et quand Israël s'est converti, Israël anageuka, le temps de la grâce wakati ya nema, pour tout le monde ya bantu bote, est complètement terminé. Inamalizika kabisa. Il n'y a plus de grâce. Hakuna tena nema. Ni pour les nations. Ikuye kubatu ya mataifa. Ni pour les juifs. Au ikuye kubatu baba Yuda. Parce que tout son plan, Juma est déjà réalisé, yote, est du côté des nations, et du côté des juifs. Yuda. Il n'y a plus de grâce. Hakuna tena nema. Même si le trône, il n'y a plus de sang. Hakuna tena damu kukitia ezi. C'est là au milieu. Ni pale katikati ya Juma. Israël croit. Kule Israël anaamini. Que Jésus Christ. Kusema Yesu Kristu. Que Jésus est le Christ le Seigneur. Kusema Christ. Le Dieu tout puissant. Kristu Bwana Mungu wa uwezo yote. Parce qu'ils ne le croyaient pas. Dieu a bakwanza kuamini. Quand ils ont cru, wakati ils se sont convertis, banageuka, et à ce moment-là, mwile wakati, les écailles de leur cœur sont tombées. Ma pazia ya macho yabo inaanguka. Et maintenant ils ont découvert. Sasa wanavumbula. Ah, c'est ça le véritable Dieu. Uyu ni notre Messie. Mungu wa byakweli, Masia wetu. On a attendu depuis longtemps. Ule tulichungaka muda mrefu. Vous voyez. Munaona. Il n'y a plus de grâce. Pala kuna tena nema. Pendant cette période, après, pendant cette période ici. Mwiki pande iki. Personne alors personne. Hakuna ta muntu moya. Ne sera sauvé. Ule ataokolewaka. Personne ne sera sauvé. Hakuna ule ataokolewaka. Le Saint-Esprit. Rom takatifu. Il n'y a même pas un seul serviteur. Hakuna ta mtumishi moya. Ule ataubiri. Habita kuyako. Maintenant c'est Dieu qui commence à déverser ses jugements sur la terre pour purifier la terre afin de préparer le terrain pour le millénium. Ni Mungu sasa yuko natuma kasirani yake juu ya kutakasa, juu ya kutakasa. Dieu ne va pas créer une autre terre. Mungu ashita umba ingine dunia. Et d'autres cieux. Au mbingu ingine. C'est seulement cette terre sur laquelle nous marchons ici. Ni paka hii dunia tuko na sisi. Il sera purifié. Ile tatakasiwa. Nous le verrons à partir de demain. Tutaona kuanzia kesho. Maintenant je vous fais voir encore une deuxième remarque. Niko napenda mionyesha kitu kimoja angalisho ingine ya pili. Pendant la période ici de 3 ans de paix, mwi kipande kia miaka 3 na kipande ya salama, il y a aussi des choses qu'il faut retenir du côté des nations. Kuko tena bitu bingine biwili kile mnapasha kuyua kungambo ya bata mataifa. Premièrement, ya kwanza, les vierges folles, babikira wapumbafu, qui sont restées, bale bari bakiaka sur la terre pendant que l'épouse fut enlevée, padunia wakati bibi harusi alinyakuliwa, seront gardés, batachungwa, par la parole, kupitia neno. Aujourd'hui, leo hi, personne ne peut dire, muta siwezi kusema, toi tu es vierge folle, wewe uko vierge folle, moi je suis vierge sage, mimi niko bikira mwenye hekima. Le retour du Seigneur Jésus Christ, kurudia kwa Kristu, va trancher, njo kutakata, entre les sages, katikati ya benye hekima, et les folles, na babumbafu. Les véritables chrétiens, ba Kristu wa vya kweli, mais qui manque le Saint-Esprit, mais banakosa Roho Mtakatifu, batabakia, batenda kunyauliwa, ils passeront par la tribulation, batapita kwa mateso mkubwa. Là ils sont gardés dans les 3 ans et demi par la parole. Pale biko na chungiwa. Je l'ai dit, il est dans la fournisha hivi. kama tu enlèvement inakuya we mwenye za kukesha ii matablo atako na landa wango sangu ubishikie ile siku te bishiki le jour tuke unashikia ile siku tu unashikia kusema kanisa nenyanuliwa ii tablo yote na kukuya mkichwa we njo na kwa mwarimu tuiseke apresa yurasa apresa yurasa jo sasa kama uko biakweli mwenye kuzari kwa mara ya pili unaanza sasa kukombana juu urejiste kuma tentation ya antikristi. Lorsque l'enlèvement s'accomplira, alors personne ne va enseigner l'autre. Ce tableau que nous venons de voir, chacun de nous saura étape par étape selon ce que nous avons vu. Et ça sera difficile. Il est persécution, il est tout temps a quelque chose. Awezi kuregister kama auna na Mungu muro yako. La persécution que nous verrons demain, tu ne peux pas résister si tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Muntu wakuzaga kwa njia mwanaume na mwanamke mwenye kuikala mwiki mwili hiki avumiliake mateso muda mrefu. Un homme né dans la chair ne peut pas supporter les souffrances. Fata kwa mateso vile tuteisoma pole muona kusema ça ne sera pas facile. Il y aura des souffrances telles que nous comme allons apprendre. Comme j'ai répondu à mes filles dans les champs. Habita kwa biepesi. Ata wale wanawadaka kusema tu t'as profité bintu ya kanisa. Bongo. Même ceux qui croient que nous allons profiter les choses de l'église. Vous n'allez rien profiter. C'est un temps de jugement. Ni wakati ya hukumu. Le temps de profiter c'est maintenant. C'est pourquoi les vieilles folles connaissent la parole. Et elles ont entendu le dernier message du temps de la fin. Ils sont nés de nouveau. Ils mènent une vie sanctifiée. Mais ils ont manqué seulement le scellement du Saint-Esprit. Lakini barikosa tu muri ya Roho Mtakatifu. Banakuko ba vierge folle bengiri banakuyaka hapa beko mazebu anakuya tu hapa anashikia anashikia hivi vyote unasema hivi kama itafika anaanza kuvikumbuka ça sera déjà trop tard. Toutes ces vierges folles qui viennent des dénominations, tout ce que nous apprenons ici, ils vont se souvenir de cela. Et pendant cette période là de la paix du côté des nations, na mwile wakati ya salamu nafungula du côté des nations ngamba mataifa, il y a la marque de la bête qui est appliqué. Kuko picha ya nyama ile ambayo itawekwa. À ce moment-là, mwile wakati, personne ne peut acheter, hakuna la tauza, ni vendre, au kujisha, ni faire quoi que ce soit, au kufanya kitu kiote kiote, bila kuya na ye chapa ya nyama. C'est Apocalypse 13. Lisons cela. Ni ufunuo 13. Nous nous je pense que la récapitulation d'aujourd'hui kurudilia kwa leo ni denda na mwe pole pole juu kila mtu apate kuelewa. Apocalypse 13 verset 14 à 18 lisons. Tusome. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il opérait qui lui était donné d'opérer en présence de la bête. Na alianza kutongoza bakaji ba dunia kupitia mamiujiza ambayo alianza kutenda muwepo ya nyama. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Mukwambia bakaji ba dunia bapate kufanya picha ya nyama. Qui avait été blessé par l'épée et qui vivait. Ile ambayo iliumizwa na mpanga lakini iko naishi. Maintenant le verset 15. Sasa mstari 15. Et il lui fit donné d'animer l'image de la bête. Na ile mupewa arusa apate kuletea bujima ile picha ya nyama. Que l'image de la bête parla. Juu ile picha ya nyama ipate kusema. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Na afanye kusema bote abata muabudu bapate kuwawa. Et elle fit que tous. Na alifanya bote. Petit et grand. Badogo na bakubwa. Riche et pauvre. Batajiri wa mashikini. Libre et esclave. Huru au batumwa. Reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Bapate kupokea alama moya kumukono yabo ya kume au kusura. La marque ils recevront. Ile alama batapata. La tête signifie. Kichwa manake, kukichwa manake. Vous croyez à la doctrine trinitaire. Munaamini kumafundisho ya Mungu batatu. À la main, tu ne crois pas dans le cœur, mais à cause de la mort, juju ya lupo, vous travaillez. Unatumika. C'est pourquoi dans les églises, dans les écoles catholiques, on vous dit carrément, si tu n'es pas de notre obédience, notre foi, tu ne travailles pas. Maintenant les gens, par crainte de la souffrance, ils acceptent de travailler, mais dans lesquels ils ne croient pas. Il a reçu la marque de la bête. Si la main droite, il travaille pour la marque de la bête. Tous ces gens qui vous disent, tout ce que vous lisez dans les internets. Oh, on va mettre 666 ici. Oh, on ne mettra pas 666 sur le front ou sur la main. Abataweka pasura au pamkono apana. La marque de la bête est liée à la doctrine trinitaire. Alama ya nyama ni mambo inaangalia mafundisho ya Mungu batatu. Mungu mtakatifu, uko deja na marque de la bête. Si vous croyez à la Trinité, vous avez si la marque. Si croyez à le Père, Fils et Saint-Esprit, tu as déjà la marque de la bête. Unaamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uko deja na picha ya nyama. Le verset 17. 17. Et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Na akutakuya ta muntu moya ule atauza au kuuzisha bila ye kuya na ile alama, njina au bwingi bwa ile njina yake. C'est ici la sagesse. Ni hapa hekima. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ni hapa hekima, ule mwenye kuwa na akili apate kufanya hesabu ya uyi hesabu ya unyama. C'est un nombre d'hommes. Jo ni hesabu ya bwingi ya jina ya bantu. Ya muntu, aina ya bantu. Ni hesabu ya muntu moya. Ni hesabu ya muntu. Et son nombre est 666. Na ile hesabu yake ni 666. C'est pourquoi on appelle le pape. Ndio kwa maana unamuita ule papa. Vicarius. Vicarius. Filidei. Filidei. Le remplaçant. Wa kumkombola. Mwana wa Mungu. Quand vous prenez ces termes, ces lettres, wakati mnabeba ile ma lettres ya njina, vous les convertissez en chiffres, mnaiweke inakuwa mahesabu, vous aurez, mutapata 666. C'est un nombre d'homme. Ni hesabu ya muntu. Quand vous prenez Apocalypse 14, la dernière écriture, kama nabeba Ufunuo 14 andiko ya mwisho, à partir du verset 9, et un autre, le troisième, le suivi. Na, mwingine watatu, en disant une voix forte, si quelqu'un adore la bête, na, si quelqu'un adore la bête, kama mtu anamini, anabudu nyama, et son image, na picha yake, et reçoit une marque sur son front, na, na anapata alama ku uso yake au ku mkono yake, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, atakunywa na yeye mvinyo ya kasirani ya Mungu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, yenye kumwangika bila mchanga mukikombe kasirani yake, tourmenté dans le feu et le soufre, na atangaika kati ya moto na kati ya devant moto mkubwa, les saints anges et devant l'agneau, mbele ya bamalaika batakatifu na mbele ya mwana kondo, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, na shimoko ya mangaiko yabo itapanda ku miaka na miaka, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, na batakuwa na mapumziko ikuye mchana au usiku, ceux qui adorent la bête et son image, wale wanaabudu nyama na mpika yake, et quiconque reçoit la marque de son nom, na yoyote mwenye kupokea alama ya jina yake, c'est ici la persévérance des saints, ni hapa makudumu ya batakatifu, qui garde les commandements de Dieu, mwenye kuchunga maamuzi ya Mungu, et la foi en Jésus, na imani ndani ya Yesu. La persévérance, on le demande ici. Vous voyez, kudumu wana kulomba hapa, de ceux qui gardent la parole de Dieu, kwa bali wana chunga neno ya Mungu, bali shikia, et la foi en Jésus Christ, na imani ndani Yesu Christ, ce sont les vierges folles, ni babikira wapumbafu. Vous voyez bien mes frères, unaona wapendwa nduku, mais si tu n'as pas expérimenté la véritable nouvelle essence, kama uko njaka kuzaliwa kwa mara pili kwa byakweli, la marque de la bête, alama ya nyama, sera certainement appliquée sur vous, bataiweka kabisa juu yako. C'est bien de dire, non, moi je suis un chrétien. C'est mozuri kusema niko mkristo ni bongo. Votre chrétienté sera révélée. Ki Kristo kiao kitaonekana ka. En l'enlèvement. Ki kwanza kunyakuliwa. Vous manquez l'enlèvement. Kama unapaswa kunyakuliwa. Alors vous allez accepter. Sasa utaitika. La souffrance. Mateso. La mort. Lufu. Le martyr. Kufa. Au nom de Jésus-Christ. Mungine Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Je vous ai pris beaucoup de temps, il fallait que j'achève ça. Nilimbea wakati mrefu nipasha maliza hapi. Qui ont compris? Mangabi banaelewa. Levez un peu, je veux voir. Qui ont compris? Mulamushe ko mkono ni bangapi banaelewa. OK, ça va. Que Dieu vous bénisse. Bwana mbariki. J'aime que vous compreniez. Mina penda mpate kuelewa. C'est ça les choses qui nous concernent. Dieu ni bitu biko na tuangalia. Sasa, mimi kuna mpatia conseil kanisa yetu akambovu. Après avoir couché bibintu, ushona sema ni kujibuta ni ma français tu konasema. Ne crois pas que nous sommes en train de jouer sanité. Kama tu unaponyoka. Dès que vous échappez. Unaenda kujitumbukiza mubintu vya bongo. Et vous allez vous embourber dans une cause réellement. Vous manquez réellement. Seulement ya Roho Mtakatifu. Le seulement du Saint-Esprit. Kura kuisha kwako. Ça n'est fini pour toi. Écoutez. Mushanze kufuata aba ba ubiri bote ba bongo beko na kabula Roho Mtakatifu ya bongo par imposition de main. Les faux Saint-Esprit par imposition de main. Le Saint-Esprit véritable Roho Mtakatifu ya kweli ne peut pas venir là où là pale, où la parole de vérité où le neno ya ukweli ayubiriwe. Vous ne pouvez jamais espérer le baptême du Saint-Esprit dans une fausse doctrine. Mumafundisho ya bongo. C'est comme j'avais fait une mise au point. Ni vile ni weka konukta. Vous avez le syllabus entre vos mains. Muko na makartasi mikono yenu. Mushanze kuitika bintu vya bongo. Kama unaitika tu mafundisho ya bongo na unapatikana katika mafundisho ya bongo kwako kuna kuisha. Ça n'est fini pour toi. Les jours qui viennent, tu te souviendras de ces paroles. Quand quelqu'un vous dit, non, moi, moi, moi, nous m'occupons de la parole pure, mais moi, la puissance. C'est une folie. Mais vous n'avez pas de puissance. Nous avons la parole pure, mais c'est quoi la puissance de Dieu? Voyez bien, mes frères. Nous n'avons pas peine d'en douter. Parce qu'on vient pour se mettre dans la Roho Mtakatifu. Tuko na fundisha bintu vya kunyoloka na maisha yetu ya kunyoloka. Nous enseignons des choses correctes. Et notre vie est correcte. Si tuko batoto muimani. Pasteur wetu mumushonte kilole. Ah, dites à ces gens-là. Nous nous sanctifions et pour nous-mêmes. Qu'est-ce que vous allez condamner sur notre pasteur? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit en nous. La compréhension de ce mystère ne vient pas parce que nous avons étudié. La compréhension de ce mystère vient parce que le Saint-Esprit habite en nous. Gardez la parole. Nous sommes dans une période où Job est dans la cendre. Pas les gens, non. Dans votre église, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. On ne voit pas de miracles. Atone miujiza. Où est-ce qu'il faut faire une mazawadi katikati yetu? C'est toi qui es aveugle qui ne vois pas les dons que Dieu nous a donné. Pour toi, les miracles, les miracles, c'est seulement les faux parler en langue comme des défunts. Ule mwenye kuna kutabiri, eko na sida, eko na kutabiri bongo, mwiji, musharati, mulotuki tele, plein de haine. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? C'est de la séduction. Ni utongozi. Attention avec la séduction du diable. Musopoke na utongozi ya shetani. Que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. Prions. Tombe. Seigneur, merci. Bwana sana. Ta parole reste la vérité. Aide ce peuple que tu as.